L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Les 7 et 8 octobre, la salle des fêtes de Bainville-sur-Madon vibrera au rythme des musiques africaines à l'occasion de FestiCouleurs, un événement organisé par l'ONG Horizon 54. Portrait de cette association avec Françoise Copine, sa présidente. Les objectifs de l'association, c'est d'aider la population malienne à mettre en place leurs projets. C'est surtout leur donner un soutien dans leurs projets. On donne les moyens afin qu'ils soient acteurs de leurs projets en privilégiant le dialogue, le partenariat, la négociation sociale. On organise des réunions régulièrement parce que moi je pars au Mali chaque année et on refait le point avec les associations locales et même avec les municipalités. Et là, en ce moment-là, on met en place les projets ensemble. On essaye de lister un petit peu les besoins de la population, mais en même temps, surtout, on ne fait rien sans réciprocité. Donc, les Maliens doivent nous proposer aussi une participation. Bon, la participation, c'est pas de l'argent, parce qu'on sait qu'ils n'en ont pas. Par contre, ça peut être la nourriture pour le logement, ou des aides matérielles, du matériel par exemple. Donc voilà, plus de 30 ans que l'association existe maintenant, beaucoup de liens ont dû se créer. Oui, bien entendu, puisque depuis 1991 exactement, parce qu'en 85, on n'allait pas au Mali, c'est en 91 qu'on a commencé à travailler avec le Mali. C'est sûr que, comme on travaille toujours sur la ville de Bamako, en particulier sur la commune 5, c'est une des communes les plus pauvres. Il y a deux communes qui sont très pauvres, c'est la 5 et la 6, qui sont un petit peu à l'extérieur. Donc depuis autant d'années, on a mis en place pas mal de projets. On a mis l'adduction d'eau dans un centre de santé. On a régulièrement, on envoie du matériel médical. Avant, on pouvait envoyer des médicaments, mais maintenant, on ne le fait plus. Et puis, on aide les associations à se mettre en place. On a créé une boutique sociale il y a 3 ans maintenant, sur ce même quartier de Sabalibougou. Et puis, actuellement, on a un projet sur la commune 2 avec des jeunes du quartier. On a réhabilité une rue et ils ont fait le pavage en entier. On réfléchit en ce moment pour améliorer cette rue et pour pouvoir mettre en place, peut-être que les habitants peuvent faire des fosses septiques pour l'élimination des déchets. Nous, on a mis en place des caniveaux aussi tout le long de la rue. Bon, on fait des choses comme ça, mais c'est les jeunes surtout là-bas qui travaillent. Oui, qui sont acteurs. Nous, on aide un petit peu financièrement. Bien sûr. Puis on est derrière eux pour les conseils. Actuellement, on a un gros projet sur Sanouna. C'est un quartier de Djéné. Donc c'est à 600 km de Bamako, donc on ne peut pas y aller bien entendu puisqu'on ne se déplace plus au Mali depuis 2012, mais on a des coordinateurs et des représentants là-bas en qui on a entièrement confiance, qui nous aident bien. Donc on fait l'adduction d'eau dans ce village, dans ce quartier. Actuellement, c'est un gros projet, on est aidé par le conseil régional, le conseil départemental, etc., les communes, l'agence de l'eau Rameuse, etc. Mais bon, actuellement, on a fait le forage, il y a l'eau, et puis on attend pour faire les bornes fontaines. On a, au mois d'octobre, normalement, c'est les bornes fontaines. On a prévu aussi l'adduction d'eau dans l'école, ainsi que des toilettes et tout ce qu'il faut pour que les enfants puissent avoir de l'eau potable, quoi. L'actualité de l'association, c'est bien sûr ce moment festif qui va se dérouler ce week-end des 7 et 8 octobre à Bainville-sur-Madon cette année. FestiCouleurs, parlez-nous un peu de ce week-end. FestiCouleurs, on le fait depuis de nombreuses années sur Jarville. Actuellement, la salle des fêtes de Jarville est en travaux, donc c'est la deuxième année qu'on ne peut pas l'utiliser. Donc là, monsieur le maire de Bainville nous prête ses locaux gentiment pour cette manifestation. D'ailleurs, on le remercie bien. Samedi, on aura surtout des expositions. En fait, on ouvre notre fête à des associations partenaires et à des artisans maliens. Le Mali, le Sénégal, le Rwanda seront présents avec des associations à banner arc-en-ciel, l'association malienne du Grand Nancy et Nonamé. On a également invité un peintre qui s'appelle Séni Chérif, donc qui exposera les 2 jours ses œuvres. Il est sénégalais, il est diplômé des beaux-arts de Dakar. donc il sera présent. Les après-midi, c'est plus de l'animation africaine. Il y aura des percussionnistes, des danses, des contes africains, même des fabrications de petites marionnettes à doigts. On organise également un petit stage d'initiation à la danse africaine dimanche matin. Donc là, avis aux amateurs, c'est tout simple, hein, c'est simplement pour que les gens n'aient pas peur de venir dans les cours après. Donc c'est de l'initiation entre 9h30 et 11h30 dimanche matin, le 8. Voilà, donc tout démarre le samedi 7 octobre à partir de 10h à la salle des fêtes de Bainville-sur-Badon. Bien sûr, on retrouve toutes les infos concernant l'association sur www.ong-horizon54.org. Françoise Copine, merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.